Chapitre 8e. Nous avons déjà dit un mot du voyage de Moorcroft dans le Tibet, en parlant de la crainte excessive que les dessinateurs et les faiseurs de cartes de géographie inspirent au gouvernement tibétain. Un jour, le gouverneur des Cachemiriens nous conduisit un de ses compatriotes, nommé Nizan, et qui avait été pendant longtemps le domestique de Moorcroft à Lhasa. Il nous parla longuement de son ancien maître, et les détails qu'il nous donna vinrent confirmer tout ce qu'on nous avait déjà raconté. Les aventures de ce voyageur anglais nous paraissant trop étranges pour être entièrement passées sous silence, nous avons jugé à propos de faire, sur ce sujet, une courte notice. Selon les témoignages recueillis dans la capitale même du Tibet, Moorcroft arriva de Ladakh à Lhasa dans l'année 1826. Il portait le costume musulman et parlait la langue farsie. Il s'exprimait dans cet idiome avec une si grande facilité que les Cachemiriens de Lhasa le prirent pour un de leurs compatriotes. Il loua dans la ville une maison où il séjourna pendant 12 ans avec son domestique Nizan, qu'il avait amené de Ladakh et qui croyait lui-même avoir pour maître un Cachemirien. Moorcroft avait acheté quelques troupeaux de chèvres et de bœufs grognants dont il avait confié la garde à des bergers tibétains qui stationnaient dans les gorges des montagnes aux environs de Lhasa. Sous prétexte d'aller visiter ses troupeaux, le faux musulman parcourait librement le pays et profitait de ses fréquentes excursions pour faire ses dessins et dresser ses cartes de géographie. On prétend que, n'ayant jamais appris la langue tibétaine, il s'abstenait d'avoir des rapports directs avec les gens de la contrée. Enfin, après avoir séjourné pendant 12 ans à Lhasa, Moorcroft reprit la route de Ladakh. Mais pendant qu'il était dans la prédence de N'gari, il fut assailli par une troupe de brigands qui l'assassinèrent. Les auteurs de ce meurtre ayant été poursuivis et arrêtés par le gouvernement tibétain, on retrouva une partie des effets du voyageur anglais, parmi lesquels était une collection de dessins et de cartes géographiques. Ce fut seulement en ce moment, et à la vue de ces objets, que les autorités de Lhasa connurent que Moorcroft était anglais. Avant de se séparer de son domestique, Moorcroft lui avait donné un billet, en lui disant de le montrer aux habitants de Calcutta si jamais il allait dans cette ville, et que cela suffirait pour faire sa fortune. C'était sans doute une lettre de recommandation. La saisie des effets de Moorcroft fit si grand bruit dans le Tibet que Nizan, craignant de se trouver compromis, détruisit sa lettre de recommandation. Il nous dit lui-même que ce billet était d'une écriture entièrement semblable à la nôtre. Les faits que nous venons de raconter, nous les tenons du régent, du gouverneur cachemirien, de Nizan et de plusieurs autres habitants de Lhasa. Avant d'arriver dans cette ville, nous n'avions jamais entendu parler de Moorcroft. C'est là que nous avons appris pour la première fois le nom de ce voyageur anglais. D'après ce que nous avons dit, il paraîtrait donc établi que Moorcroft est réellement allé à Lhasa en 1826, qu'il y a séjourné pendant 12 ans et qu'ensuite il a été assassiné sur la route de Ladakh à Lhasa. Maintenant, voici d'autres renseignements qui s'accordent bien peu avec ceux qui nous ont été donnés dans la capitale du Tibet. D'après la géographie universelle de Charles Ritter, Moorcroft fit d'abord, en 1812, un voyage qui dura 2 mois. Il fut ensuite chargé par la compagnie de se procurer des chevaux du Turkestan pour améliorer les races des haras de l'Inde. Dans ce but, il entreprit un second voyage en novembre 1819. Il parvint jusqu'à Ladakh où il resta 2 ans. Au mois d'octobre 1822, il quitta cette ville pour aller à Cachemire et le 25 août 1825, il mourut à Andkou, sur le chemin de Herat à Balkh. La mort de Moorcroft, à la date et au lieu indiqués par Charles Ritter, a été annoncée par son compagnon de voyage, M. Tribeck, dans une lettre datée de Balkh, le 6 septembre 1825, et adressée au capitaine Badet, résident à Ludhiana. Nous avons qu'il nous est impossible d'accorder entre eux des documents si opposés. Si réellement Moorcroft n'a pas été à Lhasa, comment se fait-il qu'il y soit si bien connu et qu'on y parle de son séjour d'une manière si précise? Quel intérêt auraient pu avoir les Tibétains à forger de semblables anecdotes? D'autre part, si Moorcroft a été à Lhasa, comment expliquer cette lettre de M. Tribeck qui annonce que son compagnon de voyage est mort en 1825, précisément à la même époque où, selon l'autre hypothèse, il aurait été en route pour se rendre dans la capitale du Tibet? Sans prétendre concilier toutes ces contradictions, nous allons citer un fait qui nous concerne et qui paraîtra peut-être avoir une certaine analogie avec l'affaire de Moorcroft. Quelque temps après notre arrivée à Macao, nous lûmes l'article suivant dans le Bengal Catholic Herald, journal imprimé à Calcutta. Canton, 12 septembre. Les missionnaires français de notre ville ont reçu dernièrement la nouvelle de la mort lamentable de deux pères de leur mission dans la Tartarie mongole. Après un court aperçu sur les pays mongolo-chinois, l'auteur de l'article poursuit ainsi. Un lazariste français nommé Huck arriva il y a environ 3 ans chez quelques familles chinoises qui s'étaient établies dans la vallée des eaux noires à environ 200 lieues de marche de la Grande Muraille. Un autre lazariste, dont le nom m'est inconnu, se joignit à lui dans le dessein de former une mission parmi les bouddhistes mongols. Ils étudièrent la langue mongole avec les lamas des monastères voisins. Il paraît qu'ils ont été pris pour des lamas étrangers et qu'ils ont été traités avec amitié, surtout par les bouddhistes qui sont très ignorants et qui prenaient le latin de leur bréviaire pour du sanskrit qu'ils ne comprenaient pas, mais pour lequel ils ont une vénération secrète parce que les rites de leurs livres religieux, en mongol traduit du sanskrit, sont imprimés en encre rouge. Quand les missionnaires se crurent suffisamment instruits dans la langue, ils s'avancèrent dans l'intérieur avec l'intention de commencer leur œuvre de conversion. Depuis cette époque, on ne reçut d'eux que quelques nouvelles incertaines, mais en mai dernier, du fond de la Tartarie mongole, on apprit qu'ils avaient été attachés à la queue de chevaux et traînés ainsi jusqu'à la mort. Les causes réelles de cet événement ne sont pas encore connues. Pendant qu'on annonçait ainsi notre mort avec des termes si positifs, nous touchions à la fin de notre long voyage et nous étions sur le point d'arriver à Canton, jouissant heureusement d'une santé capable de réfuter les nouvelles qui couraient sur notre compte. Mais si, par hasard, nous eussions péri parmi les montagnes du Tibet, si l'on nous y eut assassinés, on fut demeuré convaincu que nous avions été attachés à la queue de chevaux et que nous étions morts en Mongolie. Probablement, on n'eût jamais cru que nous avions été jusqu'à la capitale du Tibet. Et plus tard, si quelques voyageurs européens étaient arrivés à Lhasa, et si on lui avait parlé de notre séjour dans cette ville, il eût été peut-être tout aussi difficile de concilier ces relations que celles qui concernent Moorcroft. Quoique la mort du voyageur anglais soit pour nous un événement plein d'obscurité, nous n'avons pas cru pouvoir nous dispenser de dire ce que nous en savions, sans prétendre infirmer, par les renseignements puisés à Lhasa, les documents qui se trouvent consignés dans les journaux scientifiques de Londres. Il y avait tout au plus 1 mois que nous étions à Lhasa, et déjà les nombreux habitants de cette ville étaient accoutumés à parler avec respect et admiration de la sainte doctrine de Jéhovah et du grand royaume de France. La paix et la tranquillité dont nous jouissions, la protection éclatante que nous accordait le gouvernement tibétain, la sympathie dont le peuple semblait nous entourer, tout nous donnait l'espérance qu'avec l'aide de Dieu, nous pourrions jeter au sein même de la capitale du bouddhisme les fondements d'une mission dont l'influence s'étendrait bientôt jusque chez les tribus nomades de la Mongolie. Le moment paraissait arriver où les pèlerins tartares pourraient enfin venir s'instruire à Lhasa de la seule doctrine qui puisse sauver les âmes et civiliser les nations. Aussitôt que nous crûmes notre position assurée à Lhasa, nous songeâmes aux moyens de renouer au plus tôt nos communications avec l'Europe. La voie du désert était impraticable. Nous avions bien pu traverser une fois, et comme miraculeusement, ces steppes infestées de brigands et de bêtes sauvages, mais il n'était pas permis de s'arrêter à la pensée d'organiser un service de courrier sur cette route affreuse. En supposant d'ailleurs toute la sécurité désirable, le trajet eût été d'une longueur à faire frémir. La voie de l'Inde nous parut la seule praticable. De Lhasa jusqu'au premier poste anglais, il n'y a guère qu'un mois de marche. En établissant un correspondant par-delà les monts Himalaya et un autre à Calcutta, nos communications avec la France devenaient, sinon promptes et faciles, du moins réalisables. Comme ce plan ne pouvait s'exécuter qu'avec l'assentiment du gouvernement tibétain, nous le communiquâmes au régent, qui entra aussitôt dans nos vues. Il fut donc convenu qu'à la belle saison, M. Gabay entreprendrait le voyage de Calcutta avec une escorte tibétaine qui l'accompagnerait jusqu'à Bhoutan. Tels étaient les plans que nous formions pour l'établissement d'une mission à Lhasa. Mais en ce moment même, l'ennemi de tout bien travaillait à ruiner nos projets et à nous éloigner d'un pays qu'il semble avoir choisi pour le siège de son empire. Ayant entendu ça et là quelques paroles de mauvais augure, nous comprîmes que l'ambassadeur chinois tramait secrètement notre expulsion du Tibet. Le bruit vague de cette persécution n'avait du reste rien qui pût nous étonner. Dès le commencement, nous avions prévu que, s'il nous survenait des difficultés, ce ne pourrait être que de la part des mandarins chinois. Qichan, en effet, ne pouvait supporter de voir le gouvernement tibétain accueillir si favorablement une religion et des étrangers que les absurdes préjugés de la Chine repoussent depuis si longtemps de ses frontières. Le christianisme et le nom français excitaient trop vivement la sympathie de la population de Lhasa pour que les Chinois n'en fussent pas jaloux. Un agent de la cour de Pékin ne pouvait penser sans dépit à la popularité dont des étrangers jouissaient dans le Tibet et à l'influence qu'ils exerceraient peut-être un jour dans un pays que la Chine a tout intérêt à tenir sous sa domination. Il fut donc arrêté qu'on chasserait de Lhasa les prédicateurs de la religion du Seigneur du Ciel. Un jour, l'ambassadeur Qichan nous fit appeler, et après maintes cajoleries, il finit par nous dire que le Tibet était un pays trop froid, trop pauvre pour nous, et qu'il fallait songer à retourner dans notre royaume de France. Qichan nous adressa ces paroles avec une sorte de laisser-aller et d'abandon, comme s'il eût supposé qu'il n'y avait pas la moindre objection à faire. Nous lui demandâmes si, en parlant ainsi, il entendait nous donner un conseil ou un ordre. « L'un et l'autre, » nous répondit-il froidement. « Puisqu'il en est ainsi, nous avons d'abord à te remercier pour l'intérêt que tu parais nous porter, en nous avertissant que ce pays est froid et misérable. Mais tu devrais savoir que des hommes comme nous ne cherchent pas les biens et les commodités de cette vie. S'il en était autrement, nous serions restés dans notre royaume de France, car, ne l'ignore pas, il n'existe nulle part une contrée qui baille notre patrie. Pour ce qu'il y a d'impératif dans tes paroles, voici notre réponse. Admis dans le Tibet par l'autorité du lieu, nous ne reconnaissons ni à toi ni à qui que ce soit le droit d'y troubler notre séjour. Comment ? Vous êtes des étrangers ou prétendez encore rester ici ? Oui, nous sommes étrangers, mais nous savons que les lois du Tibet ne ressemblent pas à celles de la Chine. Les Pébun, les Kachi, les Mongols sont étrangers comme nous, et cependant on les laisse vivre en paix, nul ne les tourmente. Que signifie donc cet arbitraire ? De vouloir exclure les Français d'un pays ouvert à tous les peuples ? Si les étrangers doivent partir de Lhasa, pourquoi y restes-tu ? Est-ce que ton titre de Kinchai, ambassadeur, ne dis pas clairement que toi-même tu n'es ici qu'un étranger ? À ces mots, Qichan bondit sur son coussin cramoisi. « Moi, un étranger ? » s'écria-t-il. « Un étranger, moi, qui porte la puissance du grand empereur ? Il n'y a encore que quelques mois, qui donc a jugé, envoyé en exil, le nommé Khan ? Nous connaissons cette affaire. Il y a cette différence entre le nommé Khan et nous, c'est que le nommé Khan est de Kansu, province de l'Empire, et que nous autres, nous sommes de la France, où ton grand empereur n'a rien à voir. C'est que le nommé Khan a assassiné 3 Dalai Lama, et que nous autres, nous n'avons fait de mal à personne. Est-ce que nous avons un autre but que celui de faire connaître aux hommes le véritable Dieu, et de les instruire des moyens de sauver leurs âmes ? Oui, je vous l'ai déjà dit, je crois que vous êtes des gens honnêtes, mais enfin la religion que vous prêchez a été déclarée mauvaise, et a été prohibée par notre grand empereur. Aux paroles que tu viens de prononcer, nous n'avons à répondre que ceci. C'est que la religion du Seigneur du Ciel n'a jamais eu besoin de la sanction de ton empereur pour être une religion sainte, pas plus que nous de sa mission pour la venir prêcher dans le Tibet. L'ambassadeur chinois ne jugea pas à propos de continuer cette discussion. Il nous congédia sèchement en nous déclarant que nous pouvions nous tenir assurés qu'il nous ferait partir du Tibet. Nous nous hâtâmes de nous rendre chez le régent et de lui faire part de la déplorable entrevue que nous avions eue avec Qichan. Le premier Kalon avait eu connaissance des projets de persécution que les mandarins chinois tramaient contre nous. Il tâcha de nous rassurer et nous dit que, protégeant dans le pays des milliers d'étrangers, il serait assez fort pour nous y faire jouir d'une protection que le gouvernement tibétain accordait à tout le monde. Au reste, ajouta-t-il, lors même que nos lois interdiraient aux étrangers l'entrée de notre pays, ces lois ne pourraient vous atteindre. Les religieux, les hommes de prière étant de tous les pays, ne sont étrangers nulle part. Telle est la doctrine qui est enseignée dans nos saints livres. Il est écrit « La chèvre jaune est sans patrie et le lama n'a pas de famille ». Lhasa étant le rendez-vous et le séjour spécial des hommes de prière, ce seul titre devrait toujours vous y faire trouver liberté et protection. Cette opinion des bouddhistes, qui fait du religieux un homme cosmopolite, n'est pas simplement une pensée mystique écrite dans les livres. Mais nous avons remarqué qu'elle était passée dans les mœurs et les habitudes des lamaseries. Aussitôt qu'un homme s'est rasé la tête et revêtu le costume religieux, Il renonce à son ancien nom pour en prendre un nouveau. Si l'on demande à un lama de quel pays il est, il répond « Je n'ai pas de patrie. » « Je n'ai pas de patrie, mais je passe mes jours dans telle lamaserie. » Cette manière de penser et d'agir est même admise en Chine, parmi les bons et les autres espèces de religieux qu'on a coutume de désigner par le nom générique de Chu Kia Jin, homme sorti de la famille. Il s'engagea à notre sujet une lutte de plusieurs jours entre le gouvernement tibétain et l'ambassadeur chinois. Qichan, afin de mieux réussir dans ses prétentions, se posa comme défenseur des intérêts du Dalai Lama. Voici quelle était son argumentation. Envoyé à Lhasa par son empereur afin de protéger le Bouddha vivant, il était de son devoir d'éloigner de lui tout ce qui pouvait lui être nuisible. Des prédicateurs de la religion du Seigneur du Ciel, bien qu'animés d'intentions excellentes, propageaient une doctrine qui au fond tendait à ruiner l'autorité et la puissance du Dalai Lama. Leur but avoué était de substituer leurs croyances religieuses au bouddhisme et de convertir tous les habitants du Tibet, de tout âge, de toute condition et de tout sexe. Que deviendrait le Dalai Lama lorsqu'il n'aurait plus d'adorateurs? L'introduction de la religion du Seigneur du Ciel dans le pays ne conduit-elle pas directement à la destruction du sanctuaire du Bouddha-la et par conséquent à la ruine de la hiérarchie lamaïque et du gouvernement tibétain? Moi, disait-il, qui suis ici pour défendre le Dalai Lama, puis-je laisser à Lhasa des hommes qui sèment des doctrines si redoutables? Lorsqu'elles auront pris racine, et qu'il ne sera plus possible de les extirper, qui sera responsable d'un si grand mal? Qu'aurai-je à répondre au grand empereur lorsqu'il me reprochera ma négligence et ma lâcheté? Vous autres, Tibétains, disait-il au régent, vous ne comprenez pas la gravité de cette affaire. Parce que ces hommes sont vertueux et irréprochables, vous pensez qu'ils ne sont pas dangereux. C'est une illusion. S'ils restent longtemps à Lhasa, ils vous auront bientôt ensorcelés. Parmi vous, il n'est personne qui soit capable de lutter avec eux en matière de religion. Vous ne pourrez vous empêcher d'adopter leurs croyances, et dans ce cas, le Dalai Lama est perdu. » Le régent n'entrait nullement dans ces appréhensions que l'ambassadeur chinois cherchait à lui inspirer. Il soutenait que notre présence à Lhasa ne pouvait, en aucune façon, nuire au gouvernement tibétain. « Si la doctrine que ces hommes apportent, disait-il, est une doctrine fausse, les Tibétains ne l'embrasseront pas. Si au contraire elle est vraie, qu'avons-nous à craindre? Comment la vérité pourrait-elle être préjudiciable aux hommes? Ces deux lamas du royaume de France, ajoutait-il, n'ont fait aucun mal. Ils sont animés des meilleures intentions à notre égard. Pouvons-nous, sans motif, les priver de la liberté et de la protection que nous accordons ici à tous les étrangers et surtout aux hommes de prière? Nous est-il permis de nous rendre coupables d'une injustice actuelle et certaine par la crainte imaginaire d'un malheur à venir? Qichan reprochait au régent de négliger les intérêts du Dalai Lama, et le régent de son côté accusait Qichan de profiter de la minorité du souverain pour tyranniser le gouvernement tibétain. Quant à nous, au milieu de ce malheureux conflit, nous refusions de reconnaître l'autorité du mandarin chinois, et nous déclarions que nous ne quitterions pas le pays sans un ordre formel du régent qui nous assurait constamment qu'on ne lui arracherait jamais un acte semblable. La querelle s'envenimant tous les jours de plus en plus, Qichan se décida enfin à prendre sur lui de nous faire partir. Les choses en vinrent à tel point que la prudence nous fit une obligation de céder aux circonstances et de ne pas opposer une plus longue résistance, de peur de compromettre le régent et de devenir, peut-être, la cause de fâcheuses dissensions entre la Chine et le Tibet. En nous raidissant contre cette injuste persécution, nous avions à craindre d'irriter trop vivement les Chinois et de fournir des prétextes à leur projet d'usurpation sur le gouvernement tibétain. Si à cause de nous, une rupture venait malheureusement à éclater entre Lhasa et Pékin, on ne manquerait pas de nous en rendre responsables. Nous deviendrions odieux aux yeux des Tibétains, et l'introduction du christianisme dans ces contrées souffrirait peut-être dans la suite des plus grandes difficultés. Nous pensâmes donc qu'il valait mieux courber la tête et accepter avec résignation le rôle de persécuté. Notre conduite prouverait du moins aux Tibétains que nous étions venus au milieu d'eux avec des intentions pacifiques et que nous n'entendions nullement nous y établir par la violence. Une autre considération vint encore nous confirmer dans notre résolution. Il nous vint à la pensée que cette tyrannie même que les Chinois exerçaient contre nous serait peut-être cause que les missionnaires pourraient un jour s'établir dans le Tibet avec sécurité. Dans notre candeur, nous nous imaginions que le gouvernement français ne verrait pas avec indifférence cette prétention inouïe de la Chine qui ose poursuivre de ses outrages le christianisme et le nom français jusque chez les peuples étrangers. Et à plus de 1000 lieues loin de Pékin, nous étions persuadés que le représentant de la France à Canton ne pourrait s'empêcher de faire de vives réclamations auprès de l'autorité chinoise et qu'il obtiendrait une juste réparation de la violence qui nous avait été faite. En pensant ainsi, nous, pauvres et obscurs missionnaires, nous étions bien loin de vouloir nous donner, à nos propres yeux, la moindre importance personnelle. Mais, nous ne le cachons pas, nous avions l'orgueil de croire que notre qualité de Français serait un titre suffisant pour obtenir la protection du gouvernement de notre patrie. Après avoir mûrement réfléchi aux motifs que nous venons d'indiquer, nous nous rendîmes chez le régent. En apprenant que nous avions résolu de partir de Lhassa, il parut triste et embarrassé. Il nous dit qu'il eût vivement désiré de pouvoir nous assurer dans le Tibet un séjour libre et tranquille, mais que seul et privé de l'appui de son souverain, il s'était trouvé trop faible pour réprimer la tyrannie des Chinois qui, depuis plusieurs années, profitant de l'enfance du Dalai Lama, s'arrogeait des droits inouïs dans le pays. Nous remerciâmes le régent de sa bonne volonté et nous partîmes pour nous rendre chez l'ambassadeur chinois. Nous dîmes à Kinshan que, loin de tout moyen de protection, nous étions décidés à nous éloigner de Lhassa, puisqu'on voulait nous y contraindre, mais que nous protestions contre cette violation de nos droits. « Oui, c'est cela, » nous répondit Kinshan. « Il n'y a rien de mieux à faire. Il faut vous mettre en route. Ce sera bien pour vous, bien pour moi, bien pour les Tibétains, bien pour tout le monde. » Il nous annonça ensuite qu'il avait déjà ordonné de faire tous les préparatifs nécessaires pour notre prochain départ, que déjà le mandarin et l'escorte qui devaient nous accompagner avaient été désignés. Il avait été même arrêté que nous partirions dans 8 jours et qu'on nous ferait suivre la route qui conduit aux frontières de Chine. Ces dernières dispositions excitèrent tout à la fois notre indignation et notre surprise. Nous ne concevions pas qu'on eût la cruauté de nous condamner à un voyage de 8 mois, tandis qu'en nous dirigeant vers l'Inde, 25 jours de marche nous suffisaient pour arriver au premier poste européen où nous ne pensions manquer de trouver des moyens sûrs et faciles pour nous rendre à Calcutta. Nous fîmes là-dessus les plus instantes réclamations, mais elles ne furent pas écoutées, non plus que la demande d'un sursis de quelques jours pour nous reposer un peu de la longue route que nous venions de faire et laisser se cicatriser de grandes plaies causées par le froid du désert. Tout ce que nous pûmes dire pour adoucir la dureté de l'ambassadeur chinois fut inutile. Pour lors, nous laissâmes là notre ton suppliant et nous déclarâmes aux délégués de la cour de Pékin que nous cédions à la violence, mais que nous dénoncerions à notre gouvernement, premièrement, que l'ambassadeur chinois installé à Lhassa nous en avait arbitrairement et violemment chassés, sous le vain prétexte que nous étions étrangers et prédicateurs de la religion chrétienne, qu'il disait mauvaise et réprouvée par son empereur. Secondement, que contre tout droit et toute justice, il nous avait empêchés de suivre une route facile, directe et de 25 jours seulement pour nous traîner tyranniquement dans l'intérieur de la Chine et nous faire subir les rigueurs d'un voyage de 8 mois. Enfin, que nous dénoncerions à notre gouvernement la barbarie avec laquelle on nous forçait à nous mettre en route sans nous accorder un peu de repos. Barbarie que, vu l'état où nous étions, nous avions droit de considérer comme un attentat à nos jours. Kinshan nous répondit qu'il n'avait pas à s'occuper de ce que pouvait penser ou faire le gouvernement français, que dans sa conduite, il ne devait envisager que la volonté de son empereur. « Si mon maître, dit-il, savait que j'ai laissé 2 Européens prêcher librement la religion du Seigneur du ciel dans le Tibet, je serais perdu. Il ne me serait pas possible pour cette fois d'échapper à la mort. » Le lendemain, Kinshan nous fit appeler pour nous communiquer un rapport qu'il avait rédigé au sujet de nos affaires et qu'il devait adresser à l'empereur. « Je n'ai pas voulu, nous dit-il, le faire partir avant de vous le lire, de peur qu'il ne me soit échappé des paroles inexactes ou qui pourraient vous être désagréables. » Ayant obtenu son principal but, Kinshan reprenait à notre égard ses manières aimables et caressantes. Son rapport était assez insignifiant. Ce qu'on y disait de nous n'était ni bien ni mal. On se contentait d'y donner une sèche nomenclature des pays que nous avions parcourus depuis notre départ de Macao. « Ce rapport va-t-il bien comme cela ? » dit Kinshan. « Y trouvez-vous quelque chose à redire ?» M. Huc répondit qu'il aurait à faire une observation d'une grande importance. « Parle, j'écoute tes paroles. Ce que j'ai à te dire ne nous intéresse nullement. Mais cela te touche de très près. Voyons, qu'est-ce donc ? Ma communication doit être secrète, fais retirer tout ce monde. Ces gens sont mes serviteurs, ils appartiennent tous à ma maison, ne crains rien. Oh, nous autres, nous n'avons rien à craindre, tout le danger est pour toi. Du danger pour moi. N'importe, les gens de ma suite peuvent tout entendre. Si tu veux, tu leur apporteras ce que j'ai à te dire, mais je ne puis parler en leur présence. Les mandarins ne peuvent s'entretenir en secret avec des étrangers, cela nous est défendu par les lois. Dans ce cas, je n'ai rien à te dire. Envoie le rapport tel qu'il est, mais s'il t'en arrive malheur, ne t'en prends qu'à toi. » L'ambassadeur chinois devint pensif. Il aspira coup sur coup de nombreuses prises de tabac, et après avoir longtemps réfléchi, il dit aux gens de sa suite de se retirer et de nous laisser seuls avec lui. Quand tout le monde fut parti, M. Huc prit la parole. « Maintenant, dit-il à Kitchon, tu vas comprendre pourquoi j'ai voulu te parler en secret et combien il t'importe que personne n'entende ce que j'ai à te dire. Tu vas juger si nous sommes des hommes dangereux, nous qui craignons même de nuire à nos persécuteurs. » Kitchon était pâle et décontenancé. « Voyons, dit-il, explique-toi, que tes paroles soient blanches et claires, que veux-tu dire ? Dans ton rapport, il y a une chose inexacte. Tu me fais partir de Macao avec mon frère Joseph Gabet, pourtant, je ne suis entré en Chine que 4 ans après lui. Oh, si ce n'est que cela, c'est facile à corriger. Oui, très facile. Ce rapport, dis-tu, est pour l'empereur, n'est-ce pas ? Certainement. Dans ce cas, il faut dire à l'empereur la vérité et toute la vérité. Oui, oui, toute la vérité. Corrigeons le rapport. À quelle époque es-tu entré en Chine ? Dans la 20e année de Tao Kuang, en 1840. Kitchen prit son pinceau et écrivit à la marge « 20e année de Tao Kuang. Quelle lune ? 2e lune. » Kitchen, entendant parler de la 2e lune, posa son pinceau et nous regarda fixement. « Oui, je suis entré dans l'Empire chinois la 20e année de Tao Kuang, dans la 2e lune. J'ai traversé la province de Canton, dont tu étais à cette époque le vice-roi. Pourquoi n'écris-tu pas ? Est-ce qu'il ne faut pas dire toute la vérité à l'empereur ?» La figure de Kitchen se contracta. « Comprends-tu maintenant pourquoi j'ai voulu te parler en secret ?»« Oui, je sais que les chrétiens ne sont pas méchants. Quelqu'un ici connaît-il cette affaire ?»« Non, personne. » Kitchen prit le rapport et le déchira. Il en composa un nouveau, tout différent du premier. Les dates de notre entrée en Chine n'y étaient pas précisées, et on y lisait un pompeux éloge de notre science et de notre sainteté. Ce pauvre homme avait eu la simplicité de croire que nous attacherions une grande importance à ce que l'empereur de Chine eût une bonne opinion de nous. D'après les ordres de Kitchen, nous devions nous mettre en route après les fêtes de la nouvelle année tibétaine. Il n'y avait pas encore 2 mois que nous étions arrivés à Lhasa, et nous y avions passé déjà 2 fois le nouvel an, d'abord à l'européenne et ensuite à la chinoise. C'était maintenant le tour de la manière tibétaine. Quoi qu'à Lhasa on suppute l'année comme en Chine, d'après le système lunaire, cependant les calendriers de ces 2 pays ne s'accordent pas. Celui de Lhasa est toujours en arrière d'une lune sur celui de Pékin. On sait que les Chinois, les Mongols et la plupart des peuples de l'Asie orientale se servent dans leurs calculs chronologiques d'un cycle sexagénaire composé de 10 signes appelés troncs et de 12 qui portent le nom de branches. Chez les Tartares et les Tibétains, les signes du cycle des nerfs sont exprimés par les noms des 5 éléments répétés 2 fois, ou par les noms des 5 couleurs avec leurs nuances femelles. Les noms de 12 animaux marquent le cycle du haut des nerfs. Suit un tableau avec le cycle des nerfs et le cycle du haut des nerfs en mongol et en tibétain. Pour former le cycle sexagénaire, les 2 premiers cycles se combinent de la manière suivante. Suit un tableau détaillant le cycle sexagénaire en mongol. Comme ce cycle revient périodiquement tous les 60 ans, on comprend qu'il pourrait s'introduire une grande confusion dans la chronologie si on avait une méthode sûre pour préciser les cycles sexagénaires déjà passés. Pour obvier à cet inconvénient, les souverains donnent aux années de leur règne un nom particulier. Et par ce moyen, les époques cycliques se trouvent fixées de manière à ne laisser aucune ambiguïté. Ainsi, les Mongols disent la 28e année Tao Kuang, qui est celle du bélier de feu, 1848. En Chine, le cycle sexagénaire actuel a commencé avec l'an 1805 et les années Tao Kuang datent de 1820, époque où l'empereur aujourd'hui régnant est monté sur le trône. Il est à remarquer que Chun Chi, Kang He, Yung Qing, Qianlong, Qia Qing, Tao Kuang, ne sont nullement les noms des six premiers empereurs de la dynastie mandchoue, mais plutôt des dénominations spéciales pour désigner les années de leur règne. Les Tibétains ont adopté l'usage des cycles dénaires et duodénaires, mais en leur faisant subir des combinaisons plus nombreuses que les Mongols, ils obtiennent un cycle de 252 ans. Les 12 premières années portent simplement le nom de 12 animaux, puis ces mêmes noms sont combinés avec ceux des 5 éléments, répétés 2 fois jusqu'à l'année 72 du cycle. On ajoute ensuite à ces combinaisons le mot « po », c'est-à-dire « mâle », qui conduit jusqu'à l'année 132, puis le mot « mo », femelle, qui fait aller jusqu'à l'année 192. Enfin, on fait alterner les mots « po » et « mo » jusqu'à la fin du cycle. Ce système chronologique trop compliqué pour l'usage du peuple est relégué dans les lamaseries où il est étudié et connu des lamas les plus instruits. Les masses vivent au jour le jour, sans se douter même de l'existence de cette méthode de combiner les cycles. À part le régent, nous n'avons trouvé personne à Lhasa qui sut nous dire dans quelle année nous étions. On paraissait, en général, ne pas comprendre du tout l'importance de désigner les dates et les années par des noms particuliers. Un des plus hauts fonctionnaires de Lhasa, un lama très renommé, nous disait que la méthode chinoise pour compter les années était très embarrassante et ne valait pas la simplicité de la manière tibétaine. Il trouvait plus naturel de dire tout bonnement pour désigner les dates, cette année-ci, l'année dernière, il y a 20 ans, il y a 100 ans, et ainsi de suite. Comme nous lui disions que cette méthode n'était bonne qu'à faire de l'histoire un gâchis inextricable, « Pourvu qu'on sache, nous répondait-il, ce qui s'est passé dans les temps anciens, c'est l'essentiel. À quoi bon connaître la date précise des événements? Quelle utilité y a-t-il à cela ?» Ce mépris, ou du moins cette indifférence pour la chronologie, se fait remarquer en effet dans la plupart des ouvrages lamaïques. Ils sont souvent sans ordre, sans date, et n'offrent au lecteur qu'un ramassis d'anecdotes entassées les unes sur les autres, sans qu'on puisse avoir rien de bien précis, ni sur les personnages, ni sur les événements. Par bonheur, l'histoire des Tibétains se trouvant continuellement mêlée à celle des Chinois et des Tartares, on peut s'aider utilement de la littérature de ces derniers peuples pour mettre un peu d'ordre et de précision dans la chronologie tibétaine. Pendant notre séjour à Lhasa, nous avons eu occasion de remarquer que les Tibétains sont très mauvais chronologistes, non seulement pour ce qui concerne les grandes dates, mais encore pour la manière de supputer journellement le quantième de la lune. Leur almanach est une confusion vraiment désolante, et cette confusion vient uniquement des idées superstitieuses des bouddhistes au sujet des jours heureux et malheureux. Tous les jours réputés malheureux, qui se rencontrent dans le courant de la lune, sont retranchés et ne comptent pas. Ainsi, par exemple, si le 15e de la lune est un jour néfaste, on compte 2 fois le 14e et on passe immédiatement au 16e. Quelquefois, ils se rencontrent plusieurs jours néfastes à la file les uns des autres, mais on n'est pas plus embarrassé pour cela. On les retranche tous également jusqu'à ce qu'on soit arrivé un jour heureux. Les Tibétains ne paraissent pas trouver le moindre inconvénient à une pareille méthode. Le renouvellement de l'année est pour les Tibétains, comme pour tous les peuples, une époque de fête et de réjouissance. Les derniers jours de la 12e lune sont consacrés à en faire les préparatifs. On s'approvisionne de thé, de beurre, de tsamba, de vin d'orge et de quelques quartiers de bœuf ou de mouton. Les beaux habits sont retirés de leurs armoires. On enlève la poussière dont les meubles sont ordinairement couverts. On fourbit, on nettoie, on balaye. On cherche en un mot à introduire dans l'intérieur de la maison un peu d'ordre et de propreté. La chose n'arrivant qu'une fois par an, tous les ménages prennent un nouvel aspect. Les hôtels domestiques sont surtout l'objet d'un soin tout particulier. On repeint à neuf les vieilles idoles, on façonne avec du beurre frais des pyramides, des fleurs et divers ornements destinés à parer les petits sanctuaires où résident les bouddhas de la famille. On façonne avec du beurre frais des pyramides, des fleurs et divers ornements destinés à parer les petits sanctuaires où résident les bouddhas de la famille. Le premier luxo, ou rite de la fête, commence à minuit. Aussi, tout le monde veille, attendant avec impatience cette heure mystique et solennelle qui doit clore la vieille année et ouvrir le cours de la nouvelle. Comme nous étions peu curieux de saisir ce point d'intersection qui sépare les 2 années tibétaines, nous nous étions couchés à notre heure ordinaire. Nous dormions profondément, lorsque nous fûmes tout à coup réveillés par les cris de joie qui éclatèrent de toutes parts dans les quartiers de la ville. Les cloches, les cymbales, les conques marines les tambourins et tous les instruments de la musique tibétaine se firent bientôt entendre et donnèrent naissance au tintamar le plus affreux qu'on puisse imaginer. On eût dit qu'on accueillait par un charivari l'année qui venait d'éclore. Nous eûmes un instant bonne envie de nous lever pour aller contempler le bonheur des heureux habitants de Lhassa, mais le froid était si piquant qu'après de mûres et sérieuses réflexions, nous opinâmes qu'il serait plus convenable de demeurer sous nos épaisses couvertures de laine et de nous unir seulement de cœur à la félicité publique. Des coups redoublés qui retentirent bientôt à la porte de notre demeure et qui menaçaient de la faire voler en éclats, nous avertirent qu'il fallait renoncer à notre magnifique projet. Après quelques tergiversations, nous fûmes enfin contraints de sortir de notre chaude couchette. Nous endossâmes nos robes, et la porte ayant été ouverte, quelques Tibétains de nos connaissances envahirent notre chambre en nous conviant au régal de la nouvelle année. Ils portaient tous, entre leurs mains, un petit pot en terre cuite où flottaient, dans de l'eau bouillante, des boulettes fabriquées avec du miel et de la farine de froment. Un de ces visiteurs nous offrit une longue aiguille en argent terminée en crochet et nous invita à pêcher dans son vase. D'abord, nous voulûmes nous excuser, en objectant que nous n'étions pas dans l'habitude de prendre de la nourriture pendant la nuit. Mais on nous fit des instances si engageantes, on nous tira la langue de si bonne grâce, qu'il fallut bien se résigner au luxo. Nous piquâmes chacun une boulette, que nous écrasâmes d'abord entre les dents pour en étudier la saveur. Nous nous regardâmes en faisant la grimace. Cependant, les convenances étaient là, et nous dûmes l'avaler par politesse. Si encore nous en avions été quittes pour ce premier acte de dévouement, mais le luxo était inexorable. Les nombreux amis que nous avions à Lhassa se succédèrent presque sans interruption et force nous fut de croquer jusqu'au jour des dragées tibétaines. Le second luxo consiste encore à faire des visites, mais avec un nouveau cérémonial. Aussitôt que l'aube paraît, les Tibétains parcourent les rues de la ville, portant d'une main un pot de thé beurré et de l'autre un large plat doré et vernissé rempli de farine de tsamba amoncelée en pyramide et surmonté de 3 épis d'orge. En pareil jour, il n'est pas permis de faire des visites sans avoir avec soi du tsamba et du thé beurré. Dès qu'on est entré dans la maison de ceux à qui on veut souhaiter la bonne année, on commence avant tout par se prosterner 3 fois devant l'autel domestique, qui est solennellement paré et illuminé. Ensuite, après avoir brûlé quelques feuilles de cèdre ou d'autres arbres aromatiques dans une grande cassolette en cuivre, on offre aux assistants une écuellée de thé et on leur présente le plat où chacun prend une pincée de tsamba. Les gens de la maison font aux visiteurs la même politesse. Les habitants de Lhassa ont coutume de dire « Les Tibétains célèbrent les fêtes du Nouvel An avec du tsamba et du thé beurré, les Chinois avec du papier rouge et des pétards, les Kachi avec des mets recherchés et du tabac, les Pébounes avec des chansons et des gambades. » Quoique ce dicton populaire soit plein d'exactitude, cependant les Pébounes n'ont pas tout à fait le monopole de la gaieté. Les Tibétains savent aussi animer leur fête du Nouvel An par des réjouissances bruyantes et où les chants et les danses jouent toujours un grand rôle. Des groupes d'enfants, portant de nombreux grelots suspendus à leurs robes vertes, parcourent les rues et vont, de maison en maison, donner des concerts qui ne sont pas dépourvus d'agréments. Le chant, ordinairement doux et mélancolique, est entrecoupé de refrains précipités et pleins de feu. Pendant la strophe, tous ces petits chanteurs marquent continuellement la mesure en imprimant à leur corps un mouvement lent et régulier, semblable au balancement d'un pendule. Mais quand arrive le refrain, ils se mettent à trépigner en frappant la terre en cadence et avec vigueur. Le bruit des grelots et de leurs chaussures ferrées produit une espèce d'accompagnement sauvage qui ne laisse pas de frapper agréablement l'oreille, surtout lorsqu'il est entendu d'une certaine distance. Ces jeunes dilettanti ayant achevé leur concert, il est d'usage que ceux pour lesquels ils ont chanté leur distribuent des gâteaux frits dans de l'huile de noix et quelques petites boules de beurre. Sur les places principales et devant les monuments publics, on rencontre du matin au soir des troupes de comédiens et de batteurs qui amusent le peuple par leurs représentations. Les Tibétains n'ont pas, comme les Chinois, des répertoires de pièces de théâtre. Leurs comédiens sont tous ensemble et continuellement sur la scène, tantôt chantant et dansant, tantôt faisant des tours de force et d'adresse. Le ballet est l'exercice dans lequel ils paraissent exceller le plus. Ils valsent, ils bondissent, ils pirouettent, avec une agilité vraiment étonnante. Leur costume se compose d'une toque surmontée de longues plumes de faisan, d'un masque noir orné d'une barbe blanche d'une prodigieuse longueur, d'un large pantalon blanc et d'une tunique verte pendante jusqu'aux genoux et serrée aux reins par une ceinture jaune. À cette tunique sont attachés de distance en distance de longs cordons au bout desquels pendent de gros flocons de laine blanche. Quand l'acteur se balance en cadence, toutes ses houppes accompagnent avec grâce les mouvements de son corps. Et quand il se met à tournoyer, elles se dressent horizontalement, font la roue autour de l'individu et semblent en quelque sorte accélérer la rapidité de ses pirouettes. On voit encore à Lhasa une espèce d'exercice gymnastique nommé « danse des esprits ». Une longue corde, faite avec des lanières de cuir solidement tressées ensemble, est attachée au sommet du Boudala et descend jusqu'au pied de la montagne. Les esprits danseurs vont et viennent sur cette corde avec une agilité qui ne peut être comparée qu'à celle des chats ou des singes. Quelquefois, quand ils sont arrivés au sommet, ils étendent les bras comme pour se jeter à la nage et se laissent couler le long de la corde avec la rapidité d'une flèche. Les habitants de la province de Sang sont réputés les plus habiles pour ce genre d'exercice. La chose la plus étrange que nous ayons vue à Lhasa pendant les fêtes du Nouvel An, c'est ce que les Tibétains appellent les Lhasa Moru, c'est-à-dire l'invasion totale de la ville et de ses environs par des bandes innombrables de lamas. Le Lhasa Moru commence le troisième jour de la première lune. Tous les couvents bouddhiques de la province d'Uyi ouvrent leurs portes à leurs nombreux habitants, et l'on voit arriver en tumulte, par tous les chemins qui conduisent à Lhasa, de grandes troupes de lamas, à pied, à cheval, montés sur des ânes et sur des bœufs grognants, et portant avec eux leurs livres de prière et leurs instruments de cuisine. La ville se trouve bientôt couverte, sur tous les points, par ces avalanches de lamas qui se précipitent de toutes les montagnes environnantes. Ceux qui ne trouvent pas à se caser dans les maisons des particuliers et dans les édifices publics forment des campements sur les places et dans les rues ou dressent leurs petites tentes de voyage dans la campagne. Le Lhasa Moru dure 6 jours entiers. Pendant ce temps, les tribunaux sont fermés, le cours ordinaire de la justice est suspendu, les ministres et les fonctionnaires publics perdent en quelque sorte leur autorité et toute la puissance du gouvernement est abandonnée à cette armée formidable de religieux bouddhistes. Il règne alors dans la ville un désordre et une confusion inexprimables. Les lamas parcourent les rues par bandes désordonnées, poussent des cris affreux, chantent des prières, se heurtent, se querellent et quelquefois se livrent à grands coups de poing des batailles sanglantes. Quoique les lamas montrent en général peu de réserve et de modestie pendant ces jours de fête, il ne faudrait pas croire cependant qu'ils se rendent à Lhasa pour se livrer à des divertissements profanes et peu conformes à leur état de religieux. C'est la dévotion, au contraire, qui est le grand mobile de leur voyage. Leur but est d'implorer la bénédiction du Dalai Lama et de faire un pèlerinage au célèbre couvent bouddhique appelé Moru et qui occupe le centre de la ville. C'est de là qu'est venu le nom de Lhasa Moru qui a été donné à ces 6 jours de fête. Le couvent de Moru est remarquable par le luxe et les richesses qui sont étalées dans ses temples. L'ordre et la propreté qui règnent continuellement en font comme le modèle et la règle des autres couvents de la province. À l'ouest du principal temple, on voit un vaste jardin entouré d'un péristyle. C'est là que se trouvent les ateliers de typographie. De nombreux ouvriers, appartenant à la lamaserie, sont journellement occupés à graver des planches et à imprimer les livres bouddhiques. Les procédés dont ils se servent étant semblables à ceux des Chinois, qui sont suffisamment connus, nous nous dispenserons d'en parler. Les lamas qui se rendent annuellement à la fête de Lhasa Moru ont l'habitude de profiter de cette occasion pour faire leurs emplettes de livres. Dans le seul district de Lhasa, on compte plus de 30 grands couvents bouddhiques. Ceux de Kaldan, de Prebung et de Sera sont les plus célèbres et les plus nombreux. Chacun d'eux renferme à peu près 15 000 lamas. Kaldan, qui signifie en tibétain « béatitude céleste », est le nom d'une montagne située à l'est de Lhasa. Elle en est éloignée de 4 lieues. C'est sur le sommet de cette montagne que s'élève la lamaserie de Kaldan. Au rapport des livres lamaïques, elle fut fondée en l'an 1409 de notre ère par le fameux Tsongkhapa, réformateur du bouddhisme et instituteur de la secte du bonnet jaune. Tsongkhapa y fixa sa résidence, et c'est là qu'il laissa son enveloppe humaine quand son âme alla s'absorber dans l'essence universelle. Les Tibétains prétendent qu'on y voit encore son corps merveilleux, frais, incorruptible, parlant quelquefois, et par un prodige continuel, se tenant toujours en l'air sans que rien ne le soutienne. Nous ne pouvons rien dire de cette croyance des bouddhistes, parce que le trop court séjour que nous avons fait à Lhassa ne nous a pas permis d'aller visiter le couvent de Kaldan. La lamazerie de Prebung, 10 000 fruits, est située à 2 lieues à l'ouest de Lhassa. Elle est construite sur les flancs d'une haute montagne. Au centre du couvent s'élève une espèce de kiosque magnifiquement orné et tout étincelant d'or et de peinture. Il est réservé pour le Dalai Lama qui s'y rend une fois tous les ans pour expliquer aux religieux les livres sacrés. Les lamas mongols, qui viennent dans le Tibet pour se perfectionner dans la science des prières et obtenir les grades de la hiérarchie lamaïque, vont ordinairement se fixer à Prebung, qui, à cause de cela, est quelquefois appelé dans le pays « couvent des Mongols ». Serra est situé au nord de Lhassa, et tout au plus à une demi-lieue de distance de la ville. Les temples bouddhiques et les habitations des lamas sont adossés au versant d'une montagne plantée de houx et de cyprès. C'est par là que passe la route suivie par les pèlerins qui viennent de la Tartarie. De loin, tous ces monuments rangés en amphithéâtre les uns au-dessus des autres et se détachant sur le fond vert de la montagne, présentent à la vue un tableau attrayant et pittoresque. Ça et là, aux anfractuosités de la montagne et bien au-dessus de la cité religieuse, on voit un grand nombre de cellules habitées par des lamas contemplatifs et où l'on ne peut parvenir qu'avec une grande difficulté. Le couvent de Serra est remarquable par 3 grands temples à plusieurs étages, dont toutes les salles sont entièrement dorées. C'est de là que vient à la lamazerie le nom de Serra, du mot tibétain « ser », qui veut dire « or ». Dans le principal de ces 3 temples, on conserve religieusement le fameux torché ou instrument sanctificateur qui, selon la croyance des bouddhistes, est venu de l'Inde, à travers les airs, se placer de lui-même dans le couvent de Serra. Cet instrument est en bronze. Sa forme ressemble grossièrement à celle d'un pilon. Le milieu par où on le tient est uni et cylindrique. Les 2 extrémités sont renflées, affectent la forme ovoïde et sont chargées de figures symboliques. Tous les lamas doivent avoir un petit torché fabriqué sur le modèle de celui qui est venu merveilleusement de l'Inde. Quand ils récitent leurs prières et pendant les cérémonies religieuses, cet instrument leur est indispensable. Ils doivent tantôt le prendre, tantôt le déposer sur leurs genoux, puis le reprendre et le faire tourner dans la main, suivant les règles marquées par le livre des rites. Le torché de Serra est l'objet d'une grande vénération. Les pèlerins ne manquent jamais d'aller se prosterner devant la niche où il repose. Au fête du Nouvel An, on le transporte processionnellement et en grande pompe à Lhassa pour l'offrir à l'adoration des habitants de la ville. Pendant que les innombrables lamas du Lhassa Moru célébraient avec transport leur bruyante fête, nous autres, le cœur navré de tristesse, nous étions occupés en silence des préparatifs de notre départ. Nous défaisions cette petite chapelle où nous avions goûté des consolations bien enivrantes, mais hélas, de bien courte durée. Après avoir essayé de défricher et d'ensemencer un pauvre petit coin de cet immense désert, il fallait l'abandonner en nous disant que bientôt, sans doute, les ronces et les épines viendraient repousser en abondance et étouffer ces précieux germes de salut qui déjà commençaient à poindre. Oh, comme ces pensées étaient amères et désolantes! Nous sentions nos cœurs se briser, et nous n'avions de force que pour supplier le Seigneur d'envoyer à ces pauvres enfants des ténèbres des missionnaires plus dignes de leur porter le flambeau de la foi. La veille de notre départ, un des secrétaires du régent entra chez nous et nous remit de sa part 2 gros lingots d'argent. Cette attention du premier Calonne nous toucha profondément, mais nous crûmes ne pas devoir accepter cette somme. Sur le soir, en nous rendant à son palais pour lui faire nos adieux, nous lui rapportâmes les 2 lingots. Nous les déposâmes devant lui sur une petite table, en lui protestant que cette démarche n'était nullement un signe de mécontentement de notre part, qu'au contraire, nous nous souviendrions toujours, avec reconnaissance, des bons traitements que nous avions reçus du gouvernement tibétain pendant le court séjour que nous avions fait à Lhassa, que nous étions persuadés que s'il eût dépendu du régent, nous eussions toujours joui dans le Tibet du séjour le plus tranquille et le plus honorable, mais que, pour cet argent, nous ne pouvions le recevoir sans compromettre notre conscience de missionnaire et l'honneur de notre nation. Le régent ne se montra nullement choqué de notre procédé. Il nous dit qu'il comprenait notre démarche et savait apprécier la répugnance que nous lui exprimions, qu'il n'insisterait donc pas pour nous faire accepter cet argent, mais que pourtant il serait bien aise de nous offrir quelque chose au moment de se séparer de nous. » Alors, nous indiquant un dictionnaire en quatre langues qu'il nous avait souvent vu feuilleter avec intérêt, il nous demanda si cet ouvrage pourrait nous être agréable. Nous crûmes pouvoir recevoir ce présent, sans compromettre en aucune manière la dignité de notre caractère. Nous exprimâmes ensuite au régent combien nous serions heureux s'il daignait accepter, comme un souvenir de la France, le microscope qui avait tant excité sa curiosité. Notre offre fut accueillie avec bienveillance. Au moment de nous séparer, le régent se leva et nous adressa ces paroles. « Vous partez. Mais qui peut connaître les choses à venir? Vous êtes des hommes d'un courage étonnant, puisque vous avez pu venir jusqu'ici. Je sais que vous avez dans le cœur une grande et sainte résolution. Je pense que vous ne l'oublierez jamais. Pour moi, je m'en souviendrai toujours. Vous me comprenez assez. Les circonstances ne me permettent pas d'en dire davantage. » « Nous comprenons, répondîmes-nous au régent, toute la portée de tes paroles. Nous prierons beaucoup notre Dieu de réaliser un jour le vœu qu'elles expriment. » Nous nous séparâmes ensuite, le cœur gros d'affliction, de cet homme qui avait été pour nous si plein de bonté, et sur lequel nous avions fondé l'espérance de faire connaître, avec l'aide de Dieu, les vérités du christianisme à ces pauvres peuplades du Tibet. Quand nous rentrâmes à notre habitation, nous trouvâmes le gouverneur cachemirien qui nous attendait. Il nous avait apporté quelques provisions de voyage, d'excellents fruits secs de Ladakh, et des gâteaux faits avec de la farine de froment, du beurre et des œufs. Il voulut passer toute la soirée avec nous et nous aider à confectionner nos malles. Comme il avait le projet de faire prochainement le voyage de Calcutta, nous le chargeâmes de donner de nos nouvelles au premier Français qu'il rencontrerait dans les possessions anglaises de l'Inde. Nous lui remîmes même une lettre que nous le priâmes de faire parvenir aux représentants du gouvernement français à Calcutta. Dans cette lettre, nous exposions sommairement les circonstances de notre séjour dans la capitale du Tibet et les causes de notre départ. Il nous parut bon de prendre cette mesure de prudence au moment où nous allions nous engager dans un voyage de 1000 lieues à travers des routes affreuses et continuellement bordées de précipices. Nous pensâmes que si telle était la volonté de Dieu, que nous fussions ensevelis au milieu des montagnes du Tibet, nos amis de France pourraient du moins savoir ce que nous serions devenus. Ce soir même, Samda Chemba vint nous faire ses adieux. Depuis le jour où l'ambassadeur chinois avait arrêté de nous faire partir du Tibet, notre cher néophyte nous avait été arraché. Il est inutile de dire combien cette épreuve nous fut dure et pénible. Mais à cette mesure, nous ne pouvions, ni le régent ni nous, opposer aucune réclamation. Samda Chemba, étant originaire de la province du Kansu, dépendait directement de l'autorité chinoise. Quoique notre influence auprès de Kichon ne fût pas très grande, nous obtînmes de lui pourtant qu'on ne lui ferait subir aucun mauvais traitement et qu'on le renverrait en paix dans sa famille. Kichon nous le promit, et nous avons su depuis qu'il avait été assez fidèle à sa parole. Le régent fut plein de bonté pour notre néophyte. Aussitôt qu'il fut séparé de nous, il pourvut à ce que rien ne lui manquât. Il lui fit même donner une assez forte somme d'argent pour faire les préparatifs de son voyage. Avec ce que les circonstances nous permirent d'y ajouter, Samda Chemba put se faire une petite fortune et se mettre en état de rentrer convenablement dans sa maison paternelle. Nous lui recommandâmes d'aller auprès de sa vieille mère remplir les devoirs qu'impose la piété filiale, de l'instruire des mystères de la foi et de la faire jouir à sa dernière heure du bienfait de la régénération baptismale. Puis, quand il lui aurait fermé les yeux, de retourner passer ses jours parmi les chrétiens. Pour dire vrai, Samda Chemba n'était pas un jeune homme aimable. Son caractère âpre, sauvage et quelquefois insolent en faisait un assez mauvais compagnon de voyage. Cependant, il y avait en lui un fond de droiture et de dévouement, bien capable de compenser à nos yeux les travers de son naturel. Nous éprouvâmes en nous séparant de lui une douleur profonde et qui nous fut d'autant plus sensible que nous n'eussions jamais soupçonné avoir au fond du cœur un si vif attachement pour ce jeune homme. Mais nous avions fait ensemble un voyage si long et si pénible, nous avions enduré ensemble tant de privations et supporté tant de misères, qu'insensiblement et comme à notre insu, notre existence était, pour ainsi dire, soudée à la sienne. La loi d'affinité qui unit les hommes entre eux agit au milieu des souffrances bien plus puissamment que dans un état de prospérité. Le jour fixé pour notre départ, deux soldats chinois vinrent de grand matin nous avertir que le Talaoye, Li Kuongang, c'est-à-dire son Excellence Ali, pacificateur des royaumes, nous attendait pour déjeuner. Ce personnage était le mandarin que l'ambassadeur Qichan avait désigné pour nous accompagner jusqu'en Chine. Nous nous rendîmes à son invitation, et comme le convoi devait s'organiser chez lui, nous y fîmes transporter nos effets. Li, pacificateur des royaumes, était originaire de Chengtufu, capitale de la province du Sichuan. Il appartenait à la hiérarchie des mandarins militaires. Pendant 12 ans, il avait servi dans le Gorkha, province du Bhoutan, où il avait obtenu un avancement rapide et était parvenu jusqu'à la dignité de Tutsé avec le commandement général des troupes qui surveillent les frontières voisines des possessions anglaises. Il était décoré du globule bleu et jouissait du privilège de porter à son bonnet cette queue de martre zibeline. Li Kuangang n'était âgé que de 45 ans, mais on lui en eût bien donné 70, tant il était cassé et délabré. Il n'avait presque plus de dents, ses rares cheveux étaient gris, et ses yeux ternes et vitrés supportaient avec peine une lumière trop vive. Sa figure molle et plissée, ses mains entièrement desséchées, et ses jambes épaisses sur lesquelles il pouvait à peine se soutenir, tout indiquait un homme épuisé par de grands excès. Nous crûmes d'abord que cette vieillesse précoce était le résultat d'un usage immodéré de l'opium, mais il nous apprit lui-même, et dès notre première entrevue, que c'était l'eau-de-vie qui l'avait réduit en cet état. Ayant demandé et obtenu sa retraite, il allait au sein de sa famille essayer de réparer, par un régime sage et sévère, le délabrement de sa santé. L'ambassadeur Qichan n'avait empressé notre départ que pour nous faire aller de compagnie avec ce mandarin, qui, en sa qualité de Tutsé, devait avoir une escorte de 15 soldats. Li Kuangang était très instruit pour un mandarin militaire. Les connaissances qu'il avait de la littérature chinoise, et surtout son caractère éminemment observateur, rendaient sa conversation piquante et pleine d'intérêt. Il parlait lentement, d'une manière même traînante, mais il savait admirablement donner à ses récits une tournure dramatique et pittoresque. Il aimait beaucoup à s'occuper de questions philosophiques et religieuses. Il avait même, disait-il, de magnifiques projets de perfection pour le temps où, libre et tranquille dans sa famille, il n'aurait plus à s'occuper qu'à jouer aux échecs avec ses amis ou aller voir la comédie. Il ne croyait ni aux bonzes, ni aux lamas. Quant à la doctrine du Seigneur du Ciel, il ne savait pas trop ce que c'était. Il avait besoin de s'en instruire avant de l'embrasser. En attendant, toute sa religion consistait en une fervente dévotion pour la Grande Ourse. Il affectait des manières aristocratiques et d'une politesse exquise. Malheureusement, il lui arrivait parfois de s'oublier et de laisser percer son origine tout à fait plébéienne. Il est inutile d'ajouter que son Excellence le pacificateur des royaumes était amateur des lingots d'argent. Sans cela, il eût été difficile de reconnaître en lui un Chinois, et surtout un mandarin. Li Kuangang nous fit servir un déjeuner de luxe. Sa table nous parut d'autant mieux servie que depuis 2 ans, nous étions accoutumés à vivre un peu comme des sauvages. L'habitude de manger avec les doigts nous avait fait presque oublier de nous servir des bâtonnets chinois. Quand nous eûmes fini, Li Kuangang nous avertit que tout était préparé pour le départ, mais qu'avant de se mettre en route, il était de son devoir de se rendre, avec sa compagnie de soldats, au palais de l'ambassadeur pour prendre congé de lui. Il nous demanda si nous ne désirions pas l'accompagner. « Volontiers, lui répondîmes-nous, allons ensemble chez l'ambassadeur. Nous remplirons toi un devoir et nous une politesse. » Nous entrâmes, notre conducteur et nous, dans l'appartement où était Qichan. Les 15 soldats s'arrêtèrent au seuil de la porte et se rangèrent en file, après s'être prosternés et avoir frappé 3 fois la terre de leur front. Le pacificateur des royaumes en fit autant. Mais le pauvre malheureux ne put se relever qu'avec notre secours. Selon notre habitude, nous saluâmes en mettant notre bonnet sous le bras. Qichan prit la parole et nous fit à chacun une petite harangue. S'adressant d'abord à nous, il prit un ton patelin et maniéré. « Voilà, nous dit-il, que vous allez retourner dans votre royaume. Je pense que vous n'aurez pas à vous plaindre de moi. Ma conduite à votre égard est irréprochable. Je ne vous permets pas de rester ici, mais c'est la volonté du grand empereur et non la mienne. Je ne vous permets pas de suivre la route de l'Inde, parce que les lois de l'Empire s'y opposent. S'il en était autrement, tout vieux que je suis, je vous accompagnerai moi-même jusqu'aux frontières. La route que vous allez suivre n'est pas si affreuse qu'on le prétend. Vous aurez, il est vrai, un peu de neige. Vous trouverez quelques montagnes élevées. Il y aura des journées froides. Vous voyez que je ne vous cache pas la vérité. Pourquoi vous tromper? Mais au moins, vous aurez des hommes pour vous servir, et tous les soirs, vous trouverez un gîte préparé. Vous n'aurez pas besoin de dresser la tente. Est-ce que cette route ne vaut pas mieux que celle que vous avez suivie pour venir? Vous serez obligé d'aller à cheval. Je ne puis pas vous donner un palanquin, on n'en trouve pas dans ce pays. Le rapport que je dois adresser au grand empereur partira dans quelques jours. Comme mes estafettes courent jour et nuit, il vous précédera. Quand vous serez arrivé en paix à la capitale du Sichuan, le vice-roi, Pao, aura soin de vous, et ma responsabilité cessera. Vous pouvez partir en confiance et en dilatant vos cœurs. J'ai déjà envoyé des ordres afin que vous soyez bien traités partout où vous passerez. Que l'astre de la félicité vous guide dans votre voyage, depuis le commencement jusqu'à la fin. Quoique nous nous sentions opprimés, répondîmes-nous à Kichan, nous n'en faisons pas moins des vœux pour ta prospérité. Puisque cette dignité que tu aspires, puisses-tu rentrer dans toutes celles que tu as perdues et en obtenir encore de plus grandes. Oh, mon étoile est mauvaise, s'écria Kichan, en puisant dans son godet d'argent une forte prise de tabac. S'adressant ensuite au pacificateur des royaumes, sa voix prit tout à coup une intonation grave et solennelle. Li Kuangang, lui dit-il, puisque le grand empereur te permet de rentrer dans ta famille, tu vas partir. Tu auras ces deux compagnons de voyage, et ce doit être pour toi un grand sujet de joie, car la route, tu le sais, est longue et ennuyeuse. Le caractère de ces hommes est plein de justice et de miséricorde. Tu vivras donc avec eux dans une grande concorde. Garde-toi de jamais contrister leur cœur, soit par parole, soit par action. Voici encore une chose importante que j'ai à te dire. Comme tu as servi l'Empire pendant 12 ans sur les frontières du Gorkha, j'ai donné ordre au fournisseur de t'envoyer 500 onces d'argent. C'est un cadeau du grand empereur. » À ces mots, Li Kuangang, trouvant tout à coup dans ses jambes une souplesse inusitée, se précipita à genoux avec impétuosité. « Les bienfaits célestes du grand empereur, dit-il, m'ont toujours environné de toutes parts. Mais, mauvais serviteur que je suis, comment pourrais-je encore recevoir sans rougir une faveur si signalée? J'adresse de vives supplications à l'ambassadeur, afin qu'il me soit permis de me cacher la face et de me soustraire à cette grâce imméritée. » Kichan lui répondit, « Est-ce que tu t'imagines que le grand empereur va te savoir beaucoup gré de ton désintéressement? Qu'est-ce que c'est que quelques onces d'argent? Va, reçois ce peu d'argent, puisqu'on te l'offre. Tu en auras pour boire une tasse de thé avec tes amis. Mais quand tu seras là-bas, garde-toi bien de recommencer avec ton eau-de-vie. Si tu es désireux de vivre encore quelques années, tu dois t'interdire l'eau-de-vie. » Je te dis cette parole parce qu'un père et une mère doivent donner de bons conseils à leurs enfants. Li Kuangang frappa 3 fois la terre du front, puis se releva et vint se placer à côté de nous. Kichang harangua enfin les soldats et changea de ton pour la 3e fois. Sa voix fut brusque, saccadée et frisant quelquefois la colère et l'emportement. « Et vous autres soldats ?» À ces mots, les 15 militaires, comme poussés par un ressort unique, tombèrent ensemble à genoux et gardèrent cette posture pendant tout le temps que dura l'allocution. « Voyons, combien êtes-vous ? Vous êtes 15, je crois. » Et en même temps, il les compta du doigt. « Oui, c'est cela, 15 hommes. Vous autres, 15 soldats, vous allez rentrer dans votre province. Votre service est fini. Vous escorterez jusqu'au Sichuan, votre Tutsé, ainsi que ces 2 étrangers. En route, vous les servirez fidèlement, et soyez attentifs à être toujours respectueux et obéissants. Comprenez-vous clairement ces paroles ? Oui, nous comprenons. Quand vous passerez dans les villages des Poba, les Tibétains, gare à vous si vous opprimez le peuple. Dans les relais, gardez-vous bien de piller et de dérober le bien d'autrui. Comprenez-vous clairement ? Oui, nous comprenons. Ne nuisez pas aux troupeaux, respectez les champs ensemencés, n'incendiez pas les forêts. Comprenez-vous clairement ? « Oui, nous comprenons. Entre vous autres, qu'il y ait toujours paix et concorde. Est-ce que vous n'êtes pas tous des soldats de l'Empire ? N'allez pas vous maudire et vous quereller. Comprenez-vous clairement ? Oui, nous comprenons. Quiconque aura une mauvaise conduite, qu'il n'espère pas échapper au châtiment. Son péché sera examiné attentivement et puni avec sévérité. Comprenez-vous clairement ? Oui, nous comprenons. Puisque vous comprenez, obéissez et tremblez. » Aussitôt, après cette courte mais énergique péroraison, les 15 soldats frappèrent 3 fois la terre du front et se relevèrent. Au moment où nous quittions la résidence de l'ambassadeur, Kichan nous tira à l'écart pour nous dire quelques mots en particulier. Dans peu de temps, nous dit-il, je dois quitter le Tibet et rentrer en Chine. Pour ne pas être trop chargé de bagages à mon départ, je fais partir deux grosses caisses par cette occasion. Elles seront recouvertes en peau de bœuf à long poil. Il nous indiqua ensuite les caractères dont elles étaient marquées. Ces deux caisses, ajouta-t-il, je vous les recommande. Tous les soirs, quand vous arriverez au relais, faites-les déposer dans l'endroit même où vous devrez passer la nuit. À Qingtufu, capitale du Sichuan, vous les remettrez à Pao Chungtang, vice-roi de la province. Veillez aussi avec soin sur vos effets, car dans la route que vous allez suivre, il y a beaucoup de petits voleurs. Après avoir donné à Kichan l'assurance que nous nous souviendrions de sa recommandation, nous allâmes rejoindre Li Kuongang, qui nous attendait au seuil de la grande porte d'entrée. C'est une chose assez curieuse que l'ambassadeur chinois se soit avisé de nous confier son trésor, tandis qu'il avait à sa disposition un grand mandarin, qui naturellement était appelé par sa position à lui rendre ce service. Mais la jalousie dont Kichan était animé à l'égard des étrangers n'allait pas jusqu'à lui faire oublier ses intérêts. Il trouva, sans doute, qu'il serait plus sûr de confier ses caisses à des missionnaires qu'à un chinois, même mandarin. Cette marque de confiance nous fit plaisir. C'était un hommage rendu à la probité des chrétiens et en même temps une satire bien amère du caractère chinois. Nous nous rendîmes à la maison de Li Kuangang, où 18 chevaux et déjà tout scellés nous attendaient dans la cour. Les trois qui avaient meilleure mine étaient à part. On les avait réservés pour le Tutsé et pour nous. Les 15 autres étaient pour les soldats, et chacun dut prendre celui qui lui fut désigné par le sort. Avant de monter à cheval, une Tibétaine vigoureusement membrée et assez proprement vêtue se présenta. C'était la femme de Li Kuangang. Il l'avait épousée depuis 6 ans, et il allait l'abandonner pour toujours. Il n'en avait eu qu'un enfant qui était mort en bas âge. Ces deux conjugales moitiés ne devant plus se revoir, il était bien juste qu'au moment d'une si déchirante séparation, il y eut quelques mots d'adieu. La chose se fit en public et de la manière suivante. « Voilà que nous partons, » dit le mari. « Toi, demeure ici, assise en paix dans la chambre. »« Va-t'en tout doucement, » répondit l'épouse. « Va-t'en tout doucement et prends bien garde aux enflures de tes jambes. » Elle mit ensuite une main devant ses yeux comme pour faire croire qu'elle pleurait. « Tiens, » dit le pacificateur des royaumes en se tournant vers nous, « elles sont drôles, ces femmes tibétaines. Je lui laisse une maison solidement bâtie et puis une foule de meubles presque tout neufs. Et voilà qu'elle s'avise de pleurer. Est-ce qu'elle n'est pas contente comme cela ?» Après ces adieux si pleins d'onction et de tendresse, tout le monde monta à cheval et l'escadron se mit en marche à travers les rues de Lhasa, ayant soin de choisir les endroits les moins encombrés de Lama. Quand nous fûmes hors de la ville, nous aperçûmes un groupe assez nombreux qui paraissait nous attendre. C'étaient des habitants de Lhasa, avec lesquels nous avions eu des relations assez intimes pendant notre séjour dans cette ville. La plupart d'entre eux avaient commencé à s'instruire des vérités du christianisme et nous avaient paru sincèrement disposés à embrasser notre sainte religion. Ils s'étaient rassemblés sur notre passage pour nous saluer et nous offrir un kata d'adieu. Nous remarquâmes au milieu d'eux le jeune médecin, portant toujours sur sa poitrine la croix que nous lui avions donnée. Nous descendîmes de cheval pour adresser à ces cœurs chrétiens quelques paroles de consolation. Nous les exhortâmes à renoncer courageusement au culte superstitieux de Bouddha pour adorer le Dieu des chrétiens et à être toujours plein de confiance en sa miséricorde infinie. Oh, qu'il fut cruel le moment où nous fûmes obligés de nous séparer de ces bien-aimés catéchumènes auxquels nous n'avions fait qu'indiquer la voie du salut éternel sans pouvoir y diriger leurs premiers pas. Hélas, nous ne pouvions plus rien pour eux, rien si ce n'est de prier la divine providence d'avoir compassion de ces âmes rachetées par le sang de Jésus-Christ. Au moment où nous remontions à cheval pour continuer notre route, nous aperçûmes un cavalier qui se dirigeait vers nous au grand galop. C'était le gouverneur des Cachemiriens qui avait eu la pensée de nous accompagner jusqu'à la rivière Bochou. Nous fûmes extrêmement touchés d'une attention si aimable et qui n'avait rien qui dût nous surprendre de la part d'un ami sincère, dévoué, et qui nous avait donné des marques si nombreuses d'attachement durant notre séjour à Lhasa. L'arrivée du gouverneur des Cachemiriens fut cause que nous chevauchâmes très lentement, car nous avions beaucoup de choses à nous dire. Enfin, après une heure de marche, nous arrivâmes sur les bords du Bochou. Nous y trouvâmes une escorte tibétaine, que le régent avait fait organiser pour nous conduire jusqu'aux frontières de Chine. Elle se composait de 7 hommes et d'un grand lama, portant le titre de Déba, gouverneur de canton. Avec l'escorte chinoise, nous formions une caravane de 26 cavaliers. Sans parler des conducteurs d'un grand troupeau de bœufs grognants qui portaient nos bagages. 2 grands bacs étaient disposés pour recevoir les cavaliers et les chevaux. Ceux-ci sautèrent d'un seul bond et allèrent ensuite s'aligner tout tranquillement les uns à côté des autres. On voyait que ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient ce métier. Les hommes entrèrent ensuite, à l'exception du Déba, de Li Kuangan et de nous deux. Nous comprîmes qu'on allait nous faire passer la rivière d'une façon un peu plus aristocratique. Mais nous avions beau regarder de tous côtés, nous n'apercevions pas d'embarcation. Comment donc allons-nous faire pour passer, nous autres ? Voilà là-bas, nous répondit-on, la barque qui arrive. Nous levâmes les yeux du côté qu'on nous indiquait. Nous aperçûmes en effet une barque et un homme qui s'avançait à travers champs. Mais à l'opposé de ce qui se pratique ordinairement, c'était la barque qui était portée par l'homme et non l'homme par la barque. Ce batelier, qui courait le dos chargé d'une grande embarcation, était une chose monstrueuse à voir. Aussitôt qu'il fut arrivé sur le rivage, il déposa tranquillement son fardeau et poussa la barque à l'eau sans le moindre effort. Il n'y avait pas de milieu. Ou l'homme était d'une force prodigieuse, ou la barque d'une légèreté extrême. Nous regardâmes l'homme, et nous n'aperçûmes en lui rien d'extraordinaire. Nous approchâmes de la barque, nous l'examinâmes, nous la touchâmes, et le problème fut aussitôt résolu. Cette grande embarcation était fabriquée avec des cuirs de bœuf solidement cousus les uns aux autres. Dans l'intérieur, quelques légères tringles en bambou servaient à lui maintenir sa forme. Après avoir serré affectueusement la main au gouverneur cachemirien, nous entrâmes dans l'embarcation. Mais nous faillîmes la crever du premier pas que nous fîmes. On avait oublié de nous avertir qu'on devait seulement appuyer les pieds sur les tringles de bambou. Quand nous fûmes tous embarqués, le batelier se mit à pousser avec une longue perche, et dans un clin d'œil, nous fûmes de l'autre côté de la rivière. Nous sautâmes à terre, et le patron, prenant la barque sur son dos, se sauva à travers champs. Ces barques en cuir ont l'inconvénient de ne pouvoir rester longtemps dans l'eau sans se pourrir. Aussitôt qu'on s'en est servi, on a soin de les renverser sur la plage pour les faire sécher. Peut-être qu'en les enduisant d'un bon vernis, on pourrait les préserver de l'action de l'eau et les rendre propres à supporter une plus longue navigation. Quand nous fûmes à cheval, nous jetâmes un dernier regard sur la ville de Lhassa qu'on apercevait encore dans le lointain. Nous dîmes au fond du cœur « Oh mon Dieu, que votre volonté soit faite !» Et nous suivîmes en silence les pas de la caravane. C'était le 15 mars 1846.